explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, Bora Bora, les Vainés, tu connais ? Vous avez croyé que je vais plus regarder les paysages par le hublot ? Sur France Inter, j'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac ! Le temps d'un bivouac. Je suis prêt. Daniel Fievé. Aujourd'hui, nous vous proposons de repartir en bivouac sur deux routes mythiques. La première se trouve en Italie, c'est une route très ancienne. On dit même que c'est la plus ancienne de l'Occident, la Via Appia. Les légionnaires romains, les esclaves de Spartacus et les chars de César l'ont empruntée. Notre invité, l'historien et écrivain Jacques de Saint-Victor, a eu envie de prendre le temps de parcourir à pied, puis en voiture, cette voie chargée d'histoire. Un périple qu'il raconte dans son livre Via Appia aux éditions Équateur. Il va nous emmener avec lui à la découverte de l'Italie d'hier et d'aujourd'hui. Puis nous mettrons le cap sur les États-Unis pour emprunter la route 66. Le grand voyageur Stéphane Dugast nous dira ce qui reste aujourd'hui de cette route emblématique construite dans les années 1920. Mais pour l'heure, nous partons pour la Via Appia en Italie. Se promener le long de la voie appienne équivaut à faire un véritable saut dans la Rome antique, la Rome républicaine et la Rome impériale. On a donc une vue d'ensemble sur plusieurs aspects de la vie des Romains, de leur façon de vivre, des habitations. C'était aussi une voie de commerce. On y retrouve plusieurs ponts de stationnement où l'on s'arrêtait pour faire reposer les chevaux. Il y avait des endroits où l'on pouvait se restaurer. La voie offre donc des fragments de vie de la société romaine à l'époque républicaine et impériale. Un Italien qui raconte avec cet accent, cette langue si jolie à écouter, cette route mythique qu'est la voie Appia. Jacques de Saint-Victor, quel âge a-t-elle exactement? Alors c'est une voie qui remonte à 312, la première tronçon c'est 312 avant Jésus-Christ, donc elle est très ancienne comme vous l'imaginez. Elle a été construite en plusieurs étapes parce qu'en fait elle était au départ destinée à favoriser la percée de Rome vers le sud et notamment vers toute la Campanie. Capoue était à l'époque une des grandes rivales de Rome, c'était même une ville presque plus importante que Rome. Ouais. Et quand les Romains ont gagné contre les Capouans, à ce moment-là, ils ont voulu favoriser à la fois l'accès pour les troupes vers Capoue, mais aussi pour le commerce. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est la première et la plus ancienne route de l'Occident, c'est que la grande intelligence des Romains de la République, de la Res Publica, c'est d'avoir fait une route publique. Jusqu'à présent, à la fois en Égypte, en Perse, dans les autres grandes civilisations antiques, il y avait des routes, mais c'était des routes privées réservées à l'empereur et à ses armées. Et là, la grande ingénuité et l'ingéniosité des Romains, c'est d'avoir pensé à une route qui puisse être accessible à tous, et notamment vecteur à la fois évidemment de contrôle militaire, mais aussi de commerce, d'échanges culturels, et la route va devenir un des vecteurs de la civilisation. Alors il en existe un petit tronçon du côté de Rome, qui est connu, qui est très visité touristiquement, et puis vous êtes rendu compte qu'en fait ce petit bout se prolongeait et que cette route existait encore pour une bonne partie. Oui, alors c'est très étonnant parce que bon, je connaissais comme la plupart de vos auditeurs la route, la Via Appia à la sortie de Rome, juste après les catacombes. J'ignorais qu'elle était encore, son tracé était encore facilement reconnaissable. Et il y a une dizaine d'années, dans le fin fond des Pouilles, je me suis rendu compte que la petite route qui serpentait au fond du village où j'étais à l'époque, eh bien, était appelée la Via Appia. Et alors, j'ai découvert en réalité qu'il y a deux Via Appia, en fait. Il y a la Via Appia Nuova, celle qui a été construite au XVIIIe siècle et qui est encore aujourd'hui une route un peu comme la route nationale 7 ou la route nationale 10 en France. Parfois, elle prend le tracé de la Via Appia Antica. Parfois, au contraire, elle l'allonge ou elle ne suit pas précisément son parcours. Et à ce moment-là, on a la trace encore de l'autre Via Appia, la Via Appia Antique. Mmh. Et alors là, on a des surprises absolument émerveillées parce qu'on retrouve les vieilles pierres antiques qui ont deux millénaires. Avant de vous lancer sur le parcours, il a fallu que vous recherchiez un petit peu, j'imagine, dans les cartes. Le tracé était plus si évident que ça non, à retrouver. Non, c'est pas le tracé, par exemple, le chemin de Compostelle ou la Via Francigena. Cigena qui existe dans le nord de l'Italie et qui reliait à l'époque la France à Rome. C'est une via qui a été un peu laissée à l'abandon, surtout essentiellement à partir du Moyen-Âge. Ouais. Même si on l'utilisait encore pour les croisades. Les croisés ont utilisé la via Appia pour aller jusqu'à Brindisi, qui était le port de l'Orient, et ils prenaient le bateau, pour la plupart d'entre eux, à Brindisi pour aller ensuite en Terre Sainte, comme les pèlerins. Mais c'était plus la via Appia républicaine, c'était une autre via Appia qui est la via Appia Traiana, qui a été construite à l'époque impériale. Bref, elle a été en partie abandonnée et évidemment laissée à son sort, ce qui fait qu'il y a des endroits où elle est beaucoup moins visible. Mais ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que le projet me traversait l'esprit depuis plusieurs années, c'est que évidemment les Romains construisaient leurs grandes villes, leurs temples, tous les monuments d'art les plus prestigieux le long des routes, et notamment le long de la première de leurs routes, la fameuse Regina Viarum, c'est ainsi qu'on la surnommait, la reine des routes. Et donc la Via Appia est constellée de villes, pour certaines totalement tombées dans l'oubli aujourd'hui, pour d'autres encore un peu connues. Tout le monde connaît Capoue avec son amphithéâtre, le souvenir de Spartacus, des gladiateurs. Mais il y a des petites villes qui sont tombées totalement dans l'oubli. Je pense à Terracine, à Vénose, à Oria, et qui sont des villes magnifiques. Ouais. Et vous vous mettez en tête justement d'aller voir toutes ces villes magnifiques oubliées qu'on ne trouve pas dans les guides touristiques, Cas pas dans les circuits touristiques. Pas dans les circuits touristiques. Votre livre est très amusant parce qu'on a l'impression que dans votre entourage et dans votre entourage assez proche et très direct, on ne vous prend pas très au sérieux, voire on se demande qu'est-ce qui vous passe par la tête d'aller faire cette grande route à pied. Il y en a pour 500 km à peu près. 500 km. C'est pas un exploit de faire 500 km, mais vous n'avez pas l'air d'être un grand sportif. Vous dites également que votre père vous considérait comme quelqu'un plutôt un rat de bibliothèque, on va dire, d'être très polar, pas tellement aventureux. Votre épouse, Michaela, aussi, qu'est-ce que tu vas faire sur cette route à marcher? Personne ne vous y encourage, mais ça devient une idée fixe. Vous voulez faire ces 500 km à pied. Oui, ben évidemment, du fait qu'on l'empêche, évidemment, c'est plutôt une idée qui redevient un peu lancinante. Mais c'est surtout parce que, ma femme est italienne, imaginez un Français, vous avez épousé un étranger, il vous dit, je veux absolument descendre la route nationale 7. Vous prenez pour un fou. Vous lui dites, bon, t'as perdu l'esprit. Pour un Italien, la Via Appia, c'est comme ça. Oui. Parce qu'il y a encore, je vous dis, cette Via Appia moderne qui a été construite au 18e siècle. Et donc, vous leur dites, mais je veux descendre la Via Appia. Pour un Italien, c'est comme la Via Cassia, la Via Flaminia. Enfin, c'est des routes qui, pour eux, sont complètement banales. Votre femme dit que vous faites ça parce que vous avez envie d'aller flâner, hein, tout simplement, c'est son terme. Oui, j'aime bien l'esprit de flânerie. Et vous, vous le revendiquez. Oui, absolument. Vous dites, c'est mieux flâneur que touriste. Pourquoi? Vous vous souvenez de cette différence? Oui, je me souviens bien. Non, mais parce que le touriste, bon, il y a différents types, évidemment, de touristes. Il y avait le tourisme à la Stendhal, qui est absolument magnifique. Mais aujourd'hui, on a un peu le sentiment que le touriste, c'est partir loin pour se vider la tête. Et on a le sentiment que comme on a des vies frénétiques, se vider la tête à l'autre bout du monde, ça va nous ressourcer ou nous rendre plus meilleurs, mieux. C'est l'idée d'une vacuité totale qui pour moi me fait peur, au contraire, le vide me fait peur. Donc moi je voulais une me remplir plutôt que me vider l'esprit. Et la flânerie, selon la définition traditionnelle que Baudelaire en a faite, qui est magnifique, c'était dans le Figaro à l'époque, et il faisait l'éloge de la flânerie dans les rues de Paris, parce que la flânerie c'est une manière de découvrir en se retrouvant soi-même. Et donc moi je me suis dit, ben, aujourd'hui on peut flâner au-delà de la ville stricto sensu, puisque nous avons les moyens de communication, notamment la voiture, qui n'est pas nécessairement très en vogue aujourd'hui, mais qui est quand même un moyen assez utile. Et flâner, ça me permet, en prenant la voiture, ça me permettait à la fois de parcourir des kilomètres qui n'étaient pas très intéressants, et en même temps, du coup, de m'arrêter dans les lieux qui me paraissaient beaucoup plus intéressants, et d'y flâner. Alors là, le temps qu'il fallait, y compris dormir, parce que c'est comme ça qu'on comprend l'âme d'un lieu. Vous dites, le touriste cherche à se perdre, le flâneur à se retrouver. Oui. La formule est très jolie. Jacques de Saint-Victor nous emmène flâner avec lui sur la Via Appia en Italie. Nous n'allons pas seulement traverser des paysages, nous traverserons aussi des époques. Pour l'instant, nous sommes à pied, mais ça ne va pas durer. Hey, abitando mio tu, e bevendomi un pascià. Quel che passa dentro, come una jacuzzi. Abitando mi zedam, abitando, compensando mi zedam, compensando, ragionando mi zedam, ragionandola così. Dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove la prosopopena fisa italiana, che sono e volano coppa all'oscurità per noi, che so che qua, e gli indiani capito, vivo con va, e mi penso una stanzetta umida, una stufetta elettrica, però la ila incazzatura di una metropoli. Adesso sento una che gira, girare il rotolo munna con messa da dindanù. Carina, a spintoni nell'attualità come a spintoni in mezzo ai tram, ma non mi prego per tutto, tu guardi dall'occhio e vega una lampa e cretineria, l'occhio era fantasia, ma dici no, che sta una vera cretineria, dice il matador. Dice il venditore che troncano pezzi l'anglese, troncano pezzi fama portoghese. Non me ne importa, mister, non me ne importa, mister. Spersa la fama, spersa la incazzatura di una metropoli, a Rosiente gira la grande brega, e ride, prende questo che ne ha venduti mille tutti uguali, che è un successo, no, mister, nella grande brega, nella grande ruota che gira mezzo mondo, a spintoni nell'attualità, a spintoni in mezzo dramma. C'était dans son Métropolis par Avion Travel. Penchons-nous, Romain, penchons-nous. Baignons nos bras jusqu'au coude dans le sang de César. Rougissons-en nos épées et allons au forum. Là, nous les brandirons au-dessus de nos têtes et nous annoncerons à tous d'une même voix paix, délivrance et liberté. Un extrait du film Jules César de 1950, adapté d'après la pièce de Shakespeare, réalisé par Bradley. Nous sommes à Rome, départ de notre voyage avec Jacques de Saint-Victor, auteur de Via Appia aux éditions Équateur. Vous le dites hein, dans ce livre, Jacques de Saint-Victor, Vous avez un réel attachement pour ce pays, pour l'Italie, c'est-à-dire que vous êtes parisien, mais vous dites quand j'ai découvert l'Italie, j'ai su que c'était là mon destin, sans trop savoir l'expliquer, mais voilà, il y a un attachement qui s'est produit avec ce pays. Oui, ça paraît un peu banal parce que beaucoup de gens aiment l'Italie, bien entendu, mais là, mon amour pour l'Italie est né très tôt et surtout d'une manière très forte. Et quand j'ai commencé à vivre en Italie, à partir de ma thèse, puis ensuite, ma femme est italienne, donc je vis entre la France et l'Italie. Donc je connais très bien aussi les défauts de l'Italie. Je ne suis pas en train d'idéaliser ou d'idolâtrer l'Italie, mais néanmoins, j'ai un amour profond pour ce pays, peut-être lié à des sensations ou des sensibilités qui sont les miennes et que je ne retrouve pas toujours nécessairement en France. Alors ce goût de l'Italie vous a conduit sur cette route, cette envie, on le disait, de partir à pied en étant plus ou moins entraîné. Le début, vous dites, c'est presque trop parfait, trop le décor de cinéma de la Rome antique avec des vieilles pierres. On va pas se plaindre, c'est absolument magnifique le début de la Via Appia, elle est piétonnière comme vous le savez, elle commence justement après ces catacombes de San Sebastiano et de San Callisto, et là vous avez les Romains appellent ça un musée à ciel ouvert, qui depuis la fin du 19e siècle, c'est la papauté qui a décidé de reconstituer la Via Appia telle qu'on imaginait qu'elle l'était à l'époque romaine. Et comme les Romains construisaient sur les routes, comme je vous l'ai dit, et surtout, ils y mettaient leurs tombes, il y a en effet un paysage absolument sépulcral quand vous sortez de Rome, quand vous empruntez cette Via Appia. Cette impression est renforcée par le fait que, à partir du fascisme, on a interdit toute forme de construction le long de l'Appia. Ce qui fait que quand vous êtes sur l'Appia, vous avez l'impression que vous êtes immergé en pleine campagne. Alors que si vous vous mettez en hélicoptère ou en avion au-dessus de l'Appia, vous vous rendez compte que c'est juste une trouée, une percée verte au milieu d'une banlieue totalement cacophonique. Mais vous ne le ressentez pas quand vous êtes sur l'Appia. Donc il y a une impression absolument hors du temps qui est fascinante, mais qui en même temps est un peu fausse, évidemment, puisque c'est une reconstitution. Elle n'était pas exactement comme ça à l'époque romaine. Alors il y a une anecdote que je mentionne qui m'a été donnée par un habitant même de cette Via Appia, parce qu'il y a quelques villas de stars, il y a quelques personnes très privilégiées qui ont la chance de vivre sur l'Appia, et j'en ai donc connu une, et il me racontait que c'est un lieu où il y aurait, alors moi je n'y connais rien en science, vous êtes plus compétent que moi, mais il y aurait des sortes d'abysses magnétiques dans cette zone de l'Appia qui créeraient un élément favorable pour le repos des morts. Ce qui explique qu'il y ait tant de catacombes qui sont bien antérieures à l'ère chrétienne, contrairement à ce qu'on a pu dire par la suite, qui explique qu'on a enterré les morts dans cette zone parce qu'il y régnerait un climat très propice au repos des mortels. Alors ce qui est amusant tout au long de votre parcours, c'est que les lieux que vous traversez vous évoquent des époques et pas forcément toutes des époques lointaines. Parfois ce sont des événements récents auxquels vous pensez. Oui. Et votre parcours passe par un endroit qui vous rappelle une histoire, un enterrement récent d'un parrain mafieux local. Ce parrain de la toute petite mafia locale, les Casamonica, qui sont en fond un peu l'équivalent en France de ce qu'on appelait le clan Ornec dans la région parisienne, c'est-à-dire des gitans devenus des chefs de gang locaux dans cette petite zone du sud de Rome qu'on appelle la Romanina. Et quand ce chef du clan Casamonica a été enterré, eh bien il y a eu ce spectacle absolument grotesque et spectaculaire pour le coup, d'un enterrement au son de la musique du parrain et avec les chevaux comme dans l'enterrement de Lucky Luciano à Naples en 62, si vous voulez. Le son qu'on entend actuellement, c'est effectivement les enregistrements faits lors de cet enterrement où on a effectivement joué musique du parrain. C'était une sorte de quoi, de fanfaronnade, dont la mafia tenait à montrer qu'elle possédait. Je vais vous dire, c'est vraiment les parvenus de la mafia qui font ça, quoi. C'est d'une manière grotesque de se faire voir. Et la vraie mafia, d'une certaine façon, celle qui est très très puissante, ne recourt plus à ce genre de fanfaronnade, comme vous avez dit. Là, il y a un côté, on essaye de montrer qu'on est aussi grand que les grands, quoi. Alors un peu plus loin sur votre parcours, à un autre moment, la mafia vous revient en tête. Cette fois-ci, c'est une route qui traverse des zones mafieuses différentes et par conséquent, l'ombre de la mafia plane pas mal sur la Pia. Ouais, alors là, c'est pour une histoire plus surprenante. Je vais la résumer comme ça, de mozzarella radioactive. Expliquez. Oui, il faut pas non plus faire trop peur aux gens, mais c'est la mozzarella de Buffalo, que les Français aiment beaucoup, d'ailleurs, la mozzarella de Buffalone. Les Buffalones sont précisément dans cette zone du nord de Naples. Il y en a quasiment pas dans d'autres régions. Par conséquent, c'est dans cette zone du nord de Naples qu'il y a la meilleure mozzarella de Buffalo. Sauf que c'est aussi dans cette zone du nord de Naples que la Camorra rurale, la Camorra que vous pouvez voir dans le film de Gomorra de Roberto Saviano, eh bien, c'est dans cette zone que la Camorra a enfoui d'énormes déchets, notamment des déchets toxiques, en particulier de la dioxine. Et évidemment, cette dioxine a contaminé non seulement une partie des fosses et aussi l'herbe que mangent ces bufflones. Et donc en 2008, il y a eu une énorme panique. Les bufflones produisaient du lait de radioactif. Bon. En réalité, c'est concentré sur une petite zone. Et depuis 2008, les contrôles sont justement devenus extrêmement exigeants, beaucoup plus exigeants que quasiment dans tous les autres pays d'Europe. Ce qui fait que, bon, il n'y a pas de panique à bord, mais c'est tout de même très symptomatique de l'esprit de ces mafias qui sont prêtes à contaminer leur propre territoire à des fins purement d'avidité. Alors là, on était géographiquement dans quelle région exactement ? Là, c'est le nord de Naples, c'est la Campanie. Ouais, alors à ce moment-là, est-ce que vous étiez encore à pied, Jacques de Saint-Victor ? Non, là, j'ai déjà abandonné la marche. On l'a pas dit, enfin, je l'ai vaguement suggéré, mais ce projet qui, on l'a dit, vous aviez été que modestement coaché finalement. Au bout de combien de jours avez-vous rebroussé chemin pour finalement... Écoutez, on ne va pas non plus se mentir, c'est dès le premier jour. Hein. Voilà. Dès le premier jour, j'ai compris en arrivant en dessous de Castel Gandolfo, la cité des papes, là, c'était pas mon esprit. Mon but n'est pas de faire un parcours de réflexion intérieure comme l'ont pu faire un certain nombre de grands écrivains sur le chemin de Compostelle. Mon but, c'était plutôt au contraire d'essayer de bien saisir ce qu'était cet esprit des anciens, cette fameuse aurea mediocritas dont je parle dans le livre, c'est-à-dire l'idée d'une vie qui retrouve le temps long et aussi le temps de la raison paisible. Donc, évidemment, quand j'arrivais en dessous de Castel Gandolfo, ruiné, fatigué, épuisé, avec un sac à dos qui me faisait mal, il s'était mis un petit peu à pleuvoir en plus. Ce qui est vraiment a eu raison de toutes mes bonnes volontés. Et donc, j'ai dit que j'allais prendre la voiture de ma belle-mère. Voilà. Bon, ben voilà, comme ça, c'était fait, c'est reconnu. La suite du voyage se fera. Ce qui ne m'a voiture. Pas empêché de marcher par moment. Mais d'un lieu à un autre, je prenais la voiture. Oui. Dans la suite de l'émission, nous évoquerons des périodes plus anciennes de l'histoire de l'Italie. On change de monture, la suite de nos aventures se fera en voiture. Je ne sais pas si je suis encore vivante. Sinon, quelle est cette douleur qui me hante? Se balance au-dessus d'une mer immense, mais je m'accroche à vous. Il ne me reste plus que quelques souvenirs d'enfance qui déjà deviennent flous. Je n'ai ni chaud ni froid, et je m'ennuie beaucoup. J'arrive à plus où mes doigts se dessinent. C'est ton cou que je tords, c'est moi que j'assassine. Notre monde n'était rien qu'un léger malentendu qu'on a pris au sérieux. Fallait-il en arriver là? J'ai toujours eu pour nous des projets plus heureux. Je n'ai ni C'était Clara Luciani Bovary sur France Inter. Tout ce que j'exige, c'est que vous soyez obéissant. Comment t'appelles-tu, esclave ? Spartacus. Je n'ai pas l'honneur de te plaire, hein ? Donne-lui ton glaive. Prends-le. J'ai l'impression que tu me tuerais bien. Eh bien, c'est la seule chance que tu auras jamais de le faire. Dis-moi ! N'aie pas peur, esclave. Tu as un glaive. Et je n'ai que ce morceau de bois. C'est un ordre. Obéis-moi. Redonne-lui son glaive. Tu es moins bête que je croyais. Tu es peut-être même intelligent. C'est dangereux pour un esclave. Alors écoute. Souviens-toi qu'à partir d'aujourd'hui, je ne te perds pas. Je suis Spartacus. C'est moi, Spartacus. Je suis Spartacus. Je suis Spartacus. C'est moi, Spartacus. C'est moi, Spartacus. Je suis Spartacus. Un extrait de Spartacus, du film de Kubrick, qui date de 1960, pour évoquer cette première halte que nous allons faire sur la Via Appia, cette route la plus ancienne de l'Occident que vous avez empruntée en voiture, Jacques de Saint-Victor. On est à Capois. C'est ça. C'est là où s'est dénoué le sort, si on peut dire, de Spartacus. Qui était-il, Spartacus ? Alors Spartacus, c'était un prince thrace. C'était un et qui était devenu esclave à la suite d'une défaite, puisque à l'époque, sous l'Antiquité, lorsqu'on perdait, on était placé en esclavage. Et Spartacus était peut-être parce qu'il était fort, parce qu'il était grand, était devenu un gladiateur. Il faut savoir que la mode de la gladiature vient de Capoue, de Capois comme vous dites, mais en français on dit Capoue. En français on dit Capoue. Donc Capoue est l'école où il y a tous les meilleurs gladiateurs et ils sont notamment formés dans ce qu'on appelle des casernes de gladiateurs chez des lannistes. Et donc Spartacus réussit. C'est pas la première révolte d'esclaves. Il y en avait eu peu de temps avant déjà. Plusieurs en Sicile, mais là il réussit véritablement à mettre en place une armée extrêmement bien organisée, ce qui était très rare. Généralement les esclaves se révoltaient puis tout de suite ils se désagrégeaient, chacun poursuivait ses buts propres. Là, cette armée d'esclaves a vraiment réussi pendant plusieurs mois à tenir tête à Rome, et ce qui va expliquer que Rome va être impitoyable lorsqu'elle va remporter l'ultime victoire contre les esclaves de Spartacus. Ça va très mal finir. Alors ça va non seulement très mal finir, bon, Spartacus va mourir dans les combats, mais surtout les esclaves qu'on va arrêter, les 6000 esclaves qu'on va arrêter vont être tous crucifiés sur la Via Appia de Capoue jusqu'à Rome. Oui. Pour l'exemple, ça a dû passer l'envie de se révolter à des générations. C'est ce qu'espéraient en tout cas les Romains. Ça n'a pas marché ? Ça a marché plutôt, oui. Oui. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Capoue ? Alors, il reste à Capoue un des plus beaux amphithéâtres de toute la romanité, puisque c'était le deuxième amphithéâtre après le Colisée à Rome. Il y avait à peu près... au Colisée à Rome, il y a à peu près 80 000 places et dans le Colisée de Capoue, il y a à peu près 60 000 places. Donc vous voyez, c'est un énorme cirque pour les Jeux. Alors l'amphithéâtre que l'on voit aujourd'hui est un amphithéâtre impérial. Il a été construit après l'époque de Spartacus. Mais moi, j'ai vu des restes de l'amphithéâtre républicain, puisque j'ai loué une petite maison juste à côté de l'amphithéâtre actuel, l'amphithéâtre romain. Et dans la cave de cette petite maison, eh bien, le propriétaire m'a montré les restes qui sont encore visibles des gradins de l'amphithéâtre républicain. Sans le savoir, ça fait encore plus plaisir. Hein, oui, là, je me suis dit, bon, c'est un voyage béni des dieux, si on peut dire. Les Romains auraient dit comme ça, en tout cas. En tout cas, on continue sur ce parcours. On picore à la fois dans l'histoire de la région et en même temps dans votre parcours. On arrive à Bénévent ou Benevento, on prononce... en français, Bénévent, Benevento. Alors là, on se situe où quand on est à Bénévent ? Alors là, on est à la frontière entre la Campanie et la Basilicate. C'est une région alors très étrange parce que c'est assez montagneux. C'est une zone... assez sauvage, qui était à l'époque des Romains dominés par les tribus samnites, qui étaient des tribus guerrières très puissantes, qui ont tenu tête pendant très longtemps à Rome, et qui est ensuite devenue, au début du Moyen-Âge, la capitale du royaume des Lombards. Alors, Bénévent aujourd'hui a été très détruite pendant la Seconde Guerre mondiale en 1943, à l'époque justement des combats entre les Allemands et les Alliés. Mais il reste encore des traces magnifiques de la romanité, notamment l'un des plus beaux arcs de triomphe de toute l'Antiquité romaine qui a été construit par Trajan, parce que Bénévent était devenu une sorte de ville-étape quand on descendait la Via Appia jusqu'aux Pouilles. Et Trajan a à ce moment-là créé une Via Appia parallèle, dont je vous parlais, ouais. La Via Appia Traiana, qui coupait directement jusqu'à la mer Adriatique et descendait toute la mer Adriatique jusqu'à Brindisi. Alors que l'Appia républicaine continue par les plaines, si vous voulez, des Pouilles jusqu'à Tarente, la mer Ionienne, et ensuite bifurque jusqu'à la mer Adriatique. Bref, le tracé n'est pas très compliqué. Et si vous n'avez pas de carte, en fait, on est au centre de la botte, là, oui, à peu près à égale centre, distance des deux côtes. Au centre du sud de la botte. Oui. Et à Bénévent, notamment, ce qui est beau et original, c'est que c'est une ville qui a une légende noire, c'est la ville des sorcières. Et dans tout le Moyen-Âge, dès qu'il y avait un procès de sorcières, on pensait qu'elles avaient trouvé cette origine dans les sorcières de Bénévent. Alors, je ne sais pas si vous vous entendez, parce que vous n'avez pas de casque sur les oreilles, mais c'est ce que vous écoutiez dans votre petite auto sur les routes d'Italie. Bah, j'aime beaucoup toutes sortes de musiques, comme aussi la musiquette italienne, mais j'aime beaucoup aussi évidemment la musique plus classique. Et j'aime beaucoup aimer ce petit passage de Vivaldi parce qu'il me faisait vraiment penser à ces terres assez désertiques du sud de l'Italie que l'on traverse après Bénévent et qui me faisait penser d'ailleurs au Far West. Et d'ailleurs, les guerres contre les brigands à la fin du 19e siècle ont pris l'allure. Elles ne sont pas célèbres comme les guerres du Far West contre les Indiens parce que le cinéma ne s'y est pas autant intéressé. Mais c'était à la même époque, dans les années 1860. Et les armées italiennes ont traité ces pauvres paysans du Sud comme les armées américaines ont traité les Indiens des plaines américaines. Et donc il y a eu véritablement ce massacre plus ou moins organisé, ce qui donne à ces territoires, à ces terres totalement désertiques et désolées, une mélancolie qui m'a beaucoup marqué. Vous parliez de Venosa aussi. Oui. Vous évoquiez, vous dites, j'ai pas forcément envie d'envoyer tout le monde pour que ce soit envahi par là, des touristes. Alors là, on est paradoxal parce qu'on leur en parle, mais en même temps, on n'y allait pas. C'est ça. C'est un peu compliqué de faire ça dans cette émission dont l'audience ne cesse d'augmenter. Mais c'est quand même votre plus beau souvenir, je ne sais pas si c'est une découverte, peut-être connaissiez-vous. Non, c'était pas une découverte. J'avais déjà été à Venosa il y a une dizaine d'années et j'y ai retrouvé vraiment tous les souvenirs d'enfance de des petites villes de Gascogne, ce charme assez authentique, le tracteur qui traverse la place principale. Mm-hmm. Bref, des choses qui sont très simples, évidemment, mais qui en même temps sont très marquantes. Et Venosa, en outre, est la ville d'Horace, le poète latin, qui a en outre fait une ode à la Via Appia. Une de ses satires est consacrée à la Via Appia, où il raconte lui aussi son voyage, pas toujours à pied lui non plus, puisque parfois il prend le bateau, le long de l'Appia. Mmh. Ensuite, évidemment, faut aller vite, en Picorde. Encore une fois, dans ce trajet, on arrive dans les Pouilles, qui est une région dont on entend de plus en plus parler. Alors, pour situer les Pouilles, on est dans le talon de la botte, on part du bas du talon de la botte et on remonte jusqu'au tendon d'Achille, pardon. Oui, absolument, le Gargano. Oui. Voilà. C'est très long, les Pouilles. Ça fait plus de 400 kilomètres, je crois, de long. Mais c'est très étroit. C'est tout le talon de la botte. Ouais. Et il y a des paysages très différents, évidemment, selon le nord et le sud. Mais c'est une région très belle parce qu'elle a d'abord elle était pendant très longtemps restée à l'écart du tourisme. Le Grand Tour, le fameux Grand Tour au XVIIIe siècle où tout le monde part en Italie, s'arrête à Pestum. On ne va jamais dans le coin des Pouilles et pourtant on découvre, les quelques rares touristes de l'époque comme l'abbé de Saint-Nom découvrent une région mais extrêmement cultivée. Attention, c'est pas du tout reculé comme on pourrait le croire parce qu'on se dit le Mezzogiorno c'est sauvage, etc. Oui, une grande partie du Mezzogiorno est sauvage. Le coin de Bénévent, le coin de Vénos dont je vous ai parlé est sauvage. Mais les Pouilles, notamment la région du sud des Pouilles, le Salente, avec Lecce qui est une ville absolument magnifique, une ville baroque très très belle, c'est une ville très raffinée, très cultivée. Mais pourquoi? Je me suis souvent demandé, mais tout simplement parce que une des racines de la civilisation est là-bas. La civilisation messapienne, qui est bien antérieure à la civilisation gréco-romaine, avait sa source, son origine, dans ce talon de l'Italie. Alors pourquoi vous surnommez cet endroit la Sibérie du Sud ? C'est le prince de Lampedusa qui disait que la Sicile était la Sibérie du Sud. Ah. Et il est vrai que là, lorsqu'on est aussi en plein milieu des champs de raisins ou d'oliviers, des pouilles, en plein été sous un soleil torride, on a vraiment ce sentiment d'être dans une Sibérie du Sud. C'est-à-dire, c'est pas le froid là qui nous terrasse, c'est le soleil, c'est la chaleur. Et comme je l'explique dans un des petits chapitres, il y a aussi des gens aujourd'hui qui meurent, des ouvriers agricoles qui meurent tellement on suffoque sous la chaleur. Mmh. C'est une région plus pauvre que le Nord, hein, vraiment. Oui, l'Italie. Mais les pouilles sont plus riches que tout le reste du sud de l'Italie. On l'a même aujourd'hui surnommé. Bon, vous savez, les mots comme ça sont toujours un peu superfétatoires, mais la Californie de l'Italie, parce que d'abord il y a beaucoup de petites boîtes informatiques et puis il y a une jeunesse qui reste là-bas, qui est très active, qui travaille et il y a un mouvement notamment anti-mafia très actif. Les Pouilles, c'est vraiment le sud le plus vivant de l'Italie. Vous êtes inquiet pour le devenir de cette Via Appia? On a l'impression qu'il y a un brin de nostalgie pour terminer ce livre. Oui, parce que la Via Appia, c'est à l'image de tout ce passé. Ouais. On peut pas dire que le progrès le conserve de la manière la plus respectueuse tous ces monuments du passé, et c'est dommage. Tout ça est à découvrir dans Via Appia de Jacques de Saint-Victor aux éditions Équateur. Allez, dans un instant, une autre route mythique, la route 66. If you call me, I'll come running. Call me anytime. And these 16 strings were strumming. They will back up every line. There's a motivation about you that moves me when we're apart. It agitates my affection. That I feel you, but it's a sensitive device. I'm reverential when I hear you. I genuflect to your advice. Well, I wish I had the words, and I want those words to rhyme. And I wish I. Cause I sure don't have the time. Help me, stranger. Help me get it off my mind. Get me back on my feet. Brother, can you spare the time? Help me, stranger. Help me get it off my mind. Get me back on my feet. Brother, can you spare the time? Brother, can you spare the time? C'était Help Me Stranger par The Raconteurs sur France Inter. Et pour terminer l'émission, cap sur les États-Unis et sa célèbre route 66. Après avoir connu un véritable âge d'or, que reste-t-il aujourd'hui de cette route mythique? Pour le savoir, Stéphane Dugast, avec un ami photographe, s'est élancé sur la route 66 à moto. Il est allé à la rencontre des Américains et de leur culture. Il raconte son périple dans un livre intitulé « Sur la route 66, carnet de voyage » aux éditions de La Martinière. Alors, on est de retour sur le pier à Santa Monica, à Los Angeles. Et là, Olivier, frustré de sa journée, vient de nous trouver et de nous dénicher. Un gars fort sympathique. I introduce you, Stéphane. Stéphane is Nice to meet you, then. Nice to meet you, Stéphane. Hi. Hello, hi. Yes, my name is Stéphane. I'm French. I'm living in Paris. And we rode on Route 66 because we wanted to test it, of course. Yep. And with my friend, Christopher over there, he's a professional photographer. Yes. And we're making a book about Route 66. He told me. Yeah. Stéphane Dugas et Christophe Gérald, deux Frenchies sur la route 66. I'm French, ça s'entend un petit peu, Stéphane Dugas. Les rencontres, on le sent, se font facilement sur cette route. On a l'impression que les gens sont faciles à aborder. Alors c'est peut-être mon accent, mais enfin plus globalement, c'est le fait d'être français. On a été accueillis partout très bien. Et le fait de dire qu'on venait de Paris, ça a été un mot magique, puisqu'au fin fond des États-Unis, dans le Midwest, la ville de Paris, la France, c'est assez prestigieux. Et du coup, malgré mon accent qui est quand même très Frenchy, les gens se sont livrés. Et ce que je dois dire, c'est qu'on a rencontré sur la route avec Christophe Gérald, on a rencontré des gens chaleureux. Alors, par où passe-t-elle exactement cette route 66? Alors, elle part de Chicago. Chicago dans l'Illinois, près des Grands Lacs, et elle descend dans un arc de cercle vers le sud pour franchir l'unique col en Californie qui s'appelle Hautman, et pour arriver sur la côte pacifique à Los Angeles en traversant 8 états. Alors 8 états, on va les citer rapidement. Il y a l'Illinois, le Missouri, un bref passage par le Kansas, là c'est vraiment dans le coin du Kansas, ensuite l'Oklahoma, ensuite le Texas, le Nouveau-Mexique, l'Arizona, et enfin la Californie. On arrive de l'autre côté Pacifique. Alors évidemment, ça en fait défiler des paysages devant vos yeux. Le paysage change énormément. Au début, en fait, on est dans le vert, la verdure, et puis petit à petit, on passe du végétal au minéral, le long de cette route. Complètement. Et on est même d'abord dans la ville à Chicago avec une verticalité complètement prodigieuse. Ensuite, on est dans le vert, vous venez de l'évoquer, dans le Missouri avec les collines verdoyantes, les forêts. Et ensuite, on passe aux prairies et ensuite on passe au désert et on arrive en Californie où c'est aussi somme toute assez désertique et on arrive devant l'océan Pacifique. Donc c'est un condensé ce voyage, c'est un voyage un peu dans les traces des pionniers, ces pionniers qui étaient avec leur famille sur des chariots et qui partaient à la conquête de l'Ouest et on est vraiment j'allais dire dans les traces de ces pionniers qu'ont conquis l'Amérique. Sauf que vous, ce n'est pas un chariot que vous avez choisi pour faire cette traversée, c'est une monture tout aussi mythique, la moto et la Harley Davidson. Pourquoi ce choix? Parce que la Harley Davidson et la Route 66, il y a deux histoires, deux destins qui se confondent, et qu'aux États-Unis, on est très chauvin, pour pas dire patriotique, et que c'est en Harley Davidson qu'on circule. Vous avez très peu de motos étrangères, très peu de motos japonaises, et j'avais la chance pour cette aventure de pouvoir compter sur Christophe, qui est un pilote émérite, et du coup, on a pu partir sur cette route en Harley. Et le fait d'être en Harley, le fait d'avoir chaud, de sentir la poussière, d'avoir soif, nous a permis d'accéder, d'avoir accès aux gens, puisqu'on était vraiment, en fait, en quelque sorte, des, entre guillemets, des vrais voyageurs. On fait plus corps avec le paysage lorsqu'on le traverse en moto qu'en voiture. Surtout l'été, surtout aux États-Unis, il faisait très, très, très chaud. Alors, cette impression de ressentir le paysage, vous l'auriez eu aussi à vélo, hein. Vous auriez pu le faire à vélo, finalement, ce voyage. Alors, oui. Mais il y a beaucoup de vélos sur la route 66, on en croise. Il y a quelques vélos. Sachant que la route 66 est une route qui existe maintenant en pointillé, donc ce qui vous oblige de temps à autre de prendre l'autoroute, l'interstate. Et là, quand vous prenez l'autoroute, c'est pas vraiment une partie de plaisir puisque ça va très vite. C'est au moins deux fois trois voies. Et l'avantage de la moto, puisque les vitesses sont limitées aux États-Unis, c'est que vous avez vraiment le temps de sentir les paysages. Et à vrai dire, vous faites pas une course de vitesse. Ouais. Alors vous aviez fait un choix particulier, celui de ne pas prendre de GPS, de voyager un peu à l'ancienne avec des cartes. Là encore, pourquoi ce choix? Parce que le GPS ne vous permet pas de vous tromper et le fait d'être avec des cartes, pourtant les États-Unis sont tout est horizontal et tout est vertical. On partait plein ouest, donc on partait. La direction était toujours la même, mais ce qui ne nous a pas empêché, en tout cas qui m'a pas empêché, qui faisait la navigation derrière Christophe, de me tromper un nombre de fois incalculable, alors que j'étais persuadé d'avoir un sens de l'orientation infaillible. Ouais. En tout cas, en France et dans la vieille Europe, quand les rues sont enchevêtrées, quand c'est un peu compliqué, je m'en sors. Mais alors aux États-Unis, pourtant tout est simple et un nombre de fois incalculable, on s'est complètement perdu. Ne serait-ce qu'au départ, vous êtes à Chicago et vous avez du mal à trouver le départ de cette route 66. Alors on était pourtant parti avec des livres, avec des guides en français, en américain. Et effectivement, il y a un balisage qui est pas le même balisage qu'en France. Et on a eu du mal déjà dès le départ à trouver le début de la route 66. Il faut savoir aussi qu'ensuite, malgré tout, les Américains font les choses bien. Vous avez un panneau route 66 qu'on connaît pratiquement tous, qui est un blason avec les deux chiffres mythiques 6, 6 et route au-dessus, avec ce mot français, route, et non pas road. Mm-hmm. Est-ce que ce qui est vraiment fort dans ce voyage, c'est que chaque voyageur fait sa route 66. Il n'y a pas deux personnes qui feront, j'allais dire, la même route 66. Ouais. Et à travers ce jeu de pistes, c'est aussi l'histoire des États-Unis que vous croisez à chaque détour de route. Et qui défile. Ouais. L'histoire des États-Unis, de Chicago au Midwest à la Californie, avec un pays qui n'a pas les châteaux forts que nous avons, qui n'a pas la même histoire et en tout cas la même antériorité. Et pour les Américains, un bâtiment du début du XXe siècle est une antiquité. Et les Américains ont surtout su conserver ces panneaux, ces motels anciens et ces grands signes publicitaires qui étaient à l'époque qui permettaient d'attirer le chaland. Et donc vous avez des vestiges de cette route 66 qui de plus en plus sont réhabilités, puisque les Américains se sont aperçus que les gens venant de l'étranger, venant d'Europe, de Scandinavie, du Japon, étaient complètement obsédés par cette route 66 que eux avaient, on va dire, pratiquement oubliée. Ces airs sont les mêmes que ceux de nos ancêtres. Et on les joue sans doute comme eux. Ça s'est transmis de génération en génération. Au fait, tu sais lire une partition ? Non. Moi non plus. Toi non plus. Et toi non plus. Notre génération ne sait pas lire la musique. Et pourtant, les gars comme lui ont un répertoire de 400 chansons dans leur tête. Je vais commencer par un accord en sol. C'est parti. Extrait du documentaire La Grande Route de l'Amérique de Aurélien Mack, un documentaire qui date de 2012. Alors ce sont des choses que l'on entend quand on traverse cette route 66, Stéphane Dugast ? On entend beaucoup de musique et on avait la chance en plus de surcroît d'être sur une moto où on avait l'autoradio. Ouais. Donc on ne se privait pas de ce plaisir de mettre l'autoradio à fond. Et l'autoradio, vous avez des musiques alors du temps de Philippe Labreau qui a écrit la préface. Et lui de votre livre ? Du livre et qui a traversé la route 66 au milieu des années 50, on écoutait pratiquement beaucoup de country, voire exclusivement de la country. Et nous, ça allait du blues à la country, au rock, à la pop et à des musiques hip-hop. Enfin, c'était vraiment une variété de musique qui était les États-Unis. Ouais. Vous, dans le Missouri, vous êtes passé par le Devil's Elbow, le coude du diable. C'est un repère de motards. Comment ont été accueillis les petits Frenchies que vous étiez ? Alors, et les petits Frenchies que nous étions pas dans les codes du harleyiste, c'est-à-dire avec le pantalon de cuir, la veste de cuir, les tatouages et le bandana. On était plus dans un look, on va dire, un peu passe-partout, un peu reporter, avec des poches un peu partout pour mettre les boîtiers photos, l'enregistreur, etc. Et ce qui est absolument étonnant et agréable, c'est que les gens qui peuvent apparaître effrayants quand vous allez à leur contact, puisque ça fait quand même des gens qui sont assez costauds et assez intimidants. Et en allant les voir, en leur expliquant notre démarche, en leur disant qui on était, on a eu un accueil très très très très chaleureux. L'autoradio était toujours à fond sur votre Harley pendant ce voyage. Il n'y a pas des moments où on a envie de profiter aussi un petit peu. On a fait les deux. J'avais la chance d'avoir Christophe, le photographe à mes côtés, qui est un fou furieux de musique, donc un fin connaisseur et du B.B. King dans les oreilles, du blues. Quand vous êtes sur des paysages désertiques, c'est plus qu'agréable. Et effectivement, ce qui est bien, c'est de s'accorder des temps de silence, où vous êtes bercé uniquement par le ronronnement de la Harley, puisque la Harley a un bruit si caractéristique que ça vous reste pour le restant de vos jours dans vos tympans. On a tout alterné, on a alterné ces moments aussi de regarder le paysage, qui parce que ça ouvre à l'infini quand vous traversez le Midwest, et ces moments où il fallait, malgré mon franglais, mon accent frenchy, bien se concentrer pour pouvoir parler aux gens, se faire comprendre et surtout les comprendre. Alors quand vous arrivez en Oklahoma, déjà on est dans le quatrième état traversé par la route 66, vous êtes à ce moment-là dans quel paysage et pourquoi dit-on que cet endroit est le berceau de la route 66 ? Alors, cet état est le berceau de la route 66, puisque la route 66, en fait, n'est pas partie de Chicago pour aller à Los Angeles, comme nous, logiquement, on aurait peut-être pu le faire en France, où beaucoup de routes sont parties de Paris, et en fait, ça a été un peu une toile d'araignée. Là, c'est l'inverse. Vous êtes au centre des États-Unis, vous avez un entrepreneur qui a besoin de faire des affaires et qui n'a pas un réseau routier suffisant pour envoyer ses camions et pour prospérer. Et cet entrepreneur qui a fait fortune, si ma mémoire est bonne, dans le pétrole, se dit, il nous faut un réseau routier qui tienne la route. On est à la fin des années... Enfin, on commence à être à la fin des années 20, il y a eu le krach boursier, il faut que les États-Unis se relancent. Et là, on va créer un réseau routier, en fait une route transcontinentale qui va partir de Chicago à Los Angeles par petits tronçons qu'on va rejoindre. Et cette route va rester puisqu'elle va traverser les communautés agricoles, des petits villages. Et ça va être une des rares routes qui va traverser d'est en ouest par des communautés qui ont souvent été oubliées, voire délaissées. Et plus tard, avec la crise de 29 et puis après la tempête de poussière qui va sévir et qui va faire chasser les paysans d'Oklahoma, justement, qu'on appelait les Okies, cette route va être empruntée, une route de la migration, puis ensuite ça va être une route que les gens de Chicago vont emprunter pour aller rejoindre leur base en Californie. Et ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, ça va être la route des vacances, la route de la liberté, avec ses motels flamboyants, avec ses grosses voitures américaines, et on partait vers l'ouest. Alors vous évoquiez la dépression de 1929 avec ces exodes massifs, hein, avec des millions de personnes sur les routes qui quittent l'Oklahoma pour aller vers l'ouest, et ça a été raconté évidemment dans le célèbre roman de Steinbeck, Les raisins de la colère, porté à l'écran par John Ford en 1940. Je crois que quand on sera là-bas et qu'on travaillera, peut-être qu'on aura un bout de terre à cultiver auprès de l'eau et peut-être que ça sera pas si mal. Peut-être. Pareil qu'il donne de bon gage, il y aura du travail pour tous. Ça peut pas être pire que dans mon bled. On aura de bon gage là-bas et ça ira bien. On va dire que vous avez du cran. Qu'est-ce que tu veux dire? Traverser le désert dans un vieux taco comme ça. Extrait des raisins de la colère de John Ford, adapté à partir du roman de Steinbeck. Quand on est sur la route, Stéphane Dugast, toute cette histoire est-elle encore palpable ? Steinbeck, de par sa peinture sociale et de par la peinture qu'il fait des voyages, qui sont des voyages, pas des parties de plaisir, m'avait imprégné. J'ai eu l'outrecuidance de penser que les gens que j'allais rencontrer sur la route connaissaient ça parfaitement. Il s'avère qu'en fait, le roman a été un peu oublié. Le film porté à l'écran, qui est un film complètement magistral et magnifique, avec Henry Fonda, a été oublié. Néanmoins, quand vous êtes sur la route et que vous voyez ces vestiges du passé, que vous voyez des vieilles guimbardes, que vous voyez cette route qui part à l'infini, vous mettez vraiment à la place de cette famille, la famille Jaude, les protagonistes des raisins de la colère, et peut-être par mimétisme, mais en tout cas vous en sentez le parfum et vous sentez l'âpreté de la route, de l'asphalte, du goudron, vous sentez ce vent et tous ces petits ces mini tornades de poussière, ça vous évoque forcément les raisins de la colère. Mais voilà, ce besoin de poursuivre son chemin, même quand les rencontres sont fortes et qu'on aurait voulu pouvoir approfondir un peu les choses, et on reprend toujours la route. Alors c'est un besoin d'avancer, ou on a l'impression aussi de fuir un peu quand on réenfourche tout le temps son véhicule sans prendre le temps de rester là où ça se passe bien? J'étais toujours frustré en repartant. Christophe, mon complice, Christophe le photographe, me disait, mais non, tu vas voir, on va faire encore des rencontres plus belles. Et effectivement, ça nous a donné une énergie, puisqu'on dormait très peu, on voyageait beaucoup, on a fait plus de 6200 km en moins d'un mois. C'était une autre façon de voyager, en fait. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas prendre cette route, je vais couper par là et on se retrouve de l'autre côté. Merci à Anne-Cécile Perrin qui a réalisé cette émission. Bon week-end à toutes et à tous, et à lundi pour de nouvelles aventures.